Allah, wa Rasulallah. Allah, wa Habiballah. Allah, Allah, nous implorons ton aide, car sans ton aide, nous sommes tous égarés. Allah, Allah, apprends-nous à aimer, car sans ton amour, tout est empoisonné. Allah, Allah, nous implorons ton aide, car sans ton aide, nous sommes tous égarés. Allah, Allah, apprends-nous à aimer, car sans ton amour, tout est empoisonné. Cette vie ne m'a pas beaucoup donné, mais je vois ce que j'entends autour de moi, des plaintes, des déceptions et des regrets, des gens qui oublient les choses autour de soi, comme ce jeune homme âgé de 19 ans, frappé d'une maladie inguérissable, malgré sa peur et dans sa destinée, j'ai senti en lui la valeur de la vie. Un an plus tard, ce frère s'est éteint. J'entends de lui ces mots qui me reviennent. Tu sais, mon frère, la vie n'est qu'une prison. La mort pour moi est une libération. Moi qui me plaignais sur les choses de la vie, grâce à lui, j'ai appris à me juger. Allah, pardonne-nous pour tous nos oublis, car non, vraiment, nous ne sommes pas à plaindre. Allah, Allah, nous implorons ton aide, car sans ton aide, nous sommes tous égarés. Allah, Allah, apprends-nous à aimer, car sans ton amour, tout est empoisonné. Allah, Allah, nous implorons ton aide, car sans ton aide, nous sommes tous égarés. Allah, Allah, apprends-nous à aimer, car sans ton amour, tout est empoisonné. Je voyais dans son regard l'expression d'une douleur qui ne prenait jamais fin, une souffrance qui a croisé son chemin. Je n'avais pour lui que des invocations, rien ne l'apaisait sauf la méditation. Une lumière intérieure envahissait son cœur quand il me disait qu'il voulait le bonheur auprès de celui qui ne s'endort jamais. J'ai compris que je devais m'imprégner de ce sentiment qui accompagne toujours une foi qui te protège et qui t'entoure et te donne la force même dans les mauvais jours. Je crains de ne pas pouvoir affronter ce jour où le monde sera rassemblé. Allah, pardonne-nous pour tous nos oublis, car non, vraiment, nous ne sommes pas à plaindre. Allah, Allah, nous implorons ton aide, car sans ton aide, nous sommes tous égarés. Allah, Allah, apprends-nous à aimer, car sans ton amour, tout est empoisonné. Allah, Allah, nous implorons ton aide, car sans ton aide, nous sommes tous égarés. Allah, Allah, apprends-nous à aimer, car sans ton amour, tout est empoisonné. En lui parlant, il me faisait penser à toutes les misères de mon passé. Il ne cessait de me rappeler qu'il faut vaincre la peur dans tous les moments. Le souvenir de ma solitude, face aux épreuves, je cherchais un abri. Loin de ma foi, loin de ma famille, le mal devenait chez moi une habitude. Grâce à lui, j'ai compris l'importance d'une famille vers laquelle je peux trouver de l'aide, de l'amour et la protection pour pouvoir affronter toutes mes peines. Combien de frères sont loin de leur famille, combien de sœurs se noient dans leur chagrin. Allah, pardonne-nous pour tous nos oublis, car non, vraiment, nous ne sommes pas à plaindre. Allah, Allah, wa Rasulallah. Allah, Allah, wa Habiballah. Allah, Allah.